Premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Bruno. Moi, c'est Arish. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Ouais, ben en fait, ce qu'on avait pensé faire, c'est amener un peu de piquant à la marche pour la Terre. Parce que le jour de la Terre, on sait que c'est une fête qui a été instaurée beaucoup dans la vague du développement durable pour essayer de se déculpabiliser beaucoup sur la destruction environnementale. Puis, ben on se disait que tant le discours que la marche comme telle risquait d'être assez inintéressant pour ce qui est du changement réel, point de vue environnemental et social. On s'est dit pourquoi pas faire un contingent anticapitaliste parce que dans le fond, on peut pas vraiment penser sauver l'environnement si on n'attaque pas la question du capitalisme. Puis ça fait du bien d'en parler. Dénoncer du même souffle l'idée que le dénominateur commun est une solution efficace à la crise écologique actuelle. Qu'est-ce que tu entends par dénominateur commun? L'idée qu'il faut, pour former un front commun, former une seule unité face au gouvernement, c'est d'y aller avec les plus petites demandes qui vont faire l'unanimité à travers différents groupes, qu'ils soient communautaires ou des entreprises particulières, et vraiment s'entendre sur le minimum pour y aller de l'avant avec un front commun devant le gouvernement. Et puis, l'idée derrière, c'est dénoncer l'idée qu'un front commun basé seulement sur le plus petit dénominateur commun résultera à une solution efficace. Mais ça, le front commun, qu'est la marche de la Terre? C'est un peu l'unité factice, un peu. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis certaine que différents membres du groupe auront différentes choses à dire, mais c'était un peu ça l'élément déclencheur de notre contre-manifestation en tant que telle. C'est que c'est bien joli un événement comme ça, mais l'unité, mais à quel prix au juste? L'unité envers le gouvernement, mais à quel prix si on fait fi des principes qui sont quand même importants, si on fait fi pour une question de compromis, vraiment réduire nos revendications, ben, ça ne marchera pas plus. On fait juste retarder, puis à un certain moment, ça devient de la démagogie pure et simple. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de cette journée-là avant qu'on aille plus loin dans le contenu? Ben, à peu près, grosso modo. Je connais pas l'histoire précise, là. Mais ça a été instauré suite à la création du mouvement environnemental, en fait, qui a été ponctué par les différents sommets internationaux, là, comme Rio, Johannesburg, à travers la fin des années 70, le début des années 80. Puis c'est là qu'a été instauré le jour de la Terre. Je pourrais me tromper sur la date. Est-ce qu'il y avait déjà eu des contingents anticapitalistes et anticoloniaux dans cette marche de la Terre? Il y a un peu, pas nécessairement controverse, mais peut-être désaccord sur le sujet, parce que c'est souvent des choses qui vont s'organiser de manière indépendante. On n'a pas de porte-parole centrale. Il y avait une présence l'année dernière. Est-ce que c'était vraiment un seul contingent cohérent? Moi, j'y étais pas l'année dernière, donc peut-être toi, tu le saurais. En fait, il y a des gens, il y a des individus qui sont mobilisés pour passer les tracts l'année passée, mais c'était disparate. C'était vraiment une poignée d'individus. Puis là, cette année, ce qui est différent, ce qui est une première, c'est qu'on a un vrai contingent écologiste, anarchiste, anticolonial, anticapitaliste. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'au point de rencontre, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait trois groupuscules différents qui avaient eu la même idée, qui se sont joints au contingent. Donc, ça fait en sorte qu'on a pu avoir une certaine alliance à ce niveau-là, avec d'ailleurs les différentes bannières qu'il y a et différents mini-groupes qu'il y a avec nous présentement. Quelle est votre vision, vous? On voit qu'il y a beaucoup de noir et vert autour de vous. La vision en général? Noir et vert? Ouais, ben c'est ça. Ben en fait, c'est que... J'aime que vous le portez pour une raison particulière. Ben, c'est ça. Dans le mouvement écolo-anarchiste, ce qu'on se rend compte, en tout cas moi, ce que j'ai pu observer beaucoup, c'est que c'est des gens, c'est un peu une intersection. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux oppressions sociales et qui arrivent à la question environnementale en se rendant compte que c'est tout fait dans un cadre et puis que nos inégalités, finalement, sont en train aussi d'entraîner la destruction des écosystèmes tels qu'on les connaît. Et puis, à l'inverse, il y a aussi des gens qui étaient juste intéressés par l'écologie, par l'environnement, par sauver les animaux, les écosystèmes, qui se sont rendus compte que c'est absolument impossible dans la société où est-ce qu'on vit à cause des inégalités socio-économiques et des relations de pouvoir. Donc, on se rend compte, finalement, dans ces deux axes-là, à se dire que si on est pour avoir un monde qui est viable puis un monde qui est juste, il faut absolument que ça passe par une société horizontale, égalitaire, puis aussi de tenir en compte le monde dans lequel on vit, donc les écosystèmes. Pour moi, c'est aussi de rappeler que la crise écologique, les problèmes environnementaux, c'est pas quelque chose à prendre de manière isolée. C'est un symptôme du système actuel dans lequel on vit. Et ce genre de discours-là, c'est un discours qu'on entend très peu, même dans les groupes environnementaux qui sont institutionnalisés. On va souvent se concentrer dans les détails, on va se concentrer dans les enjeux un par un, en oubliant que tout ça, en fait, c'est vraiment les symptômes d'une même maladie. Ben, moi, j'aurais juste un dernier truc à rajouter. C'est aussi le fait que le mouvement environnemental mainstream a à peu près 50 ans. Puis, il a échoué sur toute la ligne. C'est vraiment... On a eu un demi-siècle, là, vraiment, pour tester les solutions, pour tester le discours qui était mis de l'avant, puis ça fonctionne pas. C'est même pire, en fait. Ça continue, mais on pense que ça s'améliore, ce qui amène une espèce de dissonance cognitive, une espèce de schizophrénie qui est absolument dégueulasse. Puis ça, on est là aussi pour dire qu'il faut que ça cesse, puis qu'il y a une réelle urgence d'agir. On peut pas juste se contenter de voter, puis d'aller porter notre recyclage, puis se dire que tout va bien aller. D'ailleurs, ça, c'est, je pense que ça va un peu au-delà de ta question, mais toute cette question de recyclage, des moyens individuellement qu'on nous amène à faire, je pense qu'il y a une bonne critique à faire sortir là-dessus, parce qu'on ne se questionne pas sur le système en général, qu'est-ce qui nous amène à consommer de la sorte, mais on fait reposer la culpabilité sur les individus. On les encourage en tant que consommateurs, continuez à consommer, mais on vous culpabilise de la manière dont vous allez consommer. Donc, mettez vos trucs au recyclage, faites du compost de temps en temps. Puis la ville va encourager ce genre d'initiative, mais il n'y aura pas une critique plus large des causes réelles. Pourquoi un développement au juste? Pourquoi consommer à outrance au juste? Ouais. Souvent, on est enterré par le tambour du mouvement environnemental, pour prendre une métaphore qui est très, très actuelle. Mais quelles sont les voix qui se font entendre autres que le mouvement environnemental mainstream ou bureaucratique? Au sein de la marche en tant que telle? Au sein de la marche et en général. Moi, j'ai remarqué, de par mon expérience aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup d'individus qui avaient la critique un peu de ce que Bruno partageait, qui avaient développé cette critique-là à travers leur travail dans d'autres sphères militantes et qui sont venus aujourd'hui parce que, comme il parlait d'intersectionnalité, moi, c'est un peu ça que j'ai remarqué aujourd'hui. Pour le reste, pour les groupes, on s'est tenus un peu à l'écart des institutions et des groupes, donc j'ai pas trop remarqué, mais j'ai remarqué beaucoup d'individus qui sont pas nécessairement dans le milieu éco-radical à Montréal, mais qui viennent par le biais d'autres intérêts. Il y a évidemment les Premières Nations, mais ça, on ne peut pas parler pour eux autres. Là. Mais c'est sûr que c'est toutes les questions qui les concernent puis sur lesquelles ils se manifestent. Là. Et dans le domaine de l'écologie radicale, quels sont les groupes qu'on connaît, les revues, les publications? Les gens veulent s'informer où ils vont? La Mauvaise Herbe. Oui, ben c'est ça, La Mauvaise Herbe, c'est la plus vieille publication, le plus vieux périodique anarchiste au Québec. Ça fait maintenant 11 ans que ça dure. C'est un zine qui sort 2-3 fois par année. Puis, il suffit de taper Mauvaise Herbe sur Internet, vous allez tomber sur le site. Vous avez tous les numéros depuis les 11 dernières années. Il y a plus de 35 numéros qui traitent d'écologie radicale, d'anarchisme, d'autonomie, puis de toute une panoplie de sujets. Mais en fait, il n'y a pas tant de groupes formels qui sont organisés autour de ces thématiques-là, mais c'est sûr que c'est des idées qui vont être très présentes dans les prochaines luttes qui vont venir au Québec, notamment sur la question des pipelines, toutes les questions énergétiques. Le plan Nord. Le plan Nord. Ouais. Est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter? Qu'est-ce qu'on a ajouté? Il faudrait arrêter de se raconter des histoires et arrêter d'avoir peur de nommer le système capitaliste. Arrêter de se concentrer sur des détails, des thèmes, d'avoir une vision globale des enjeux actuels. Ouais, ben moi je trouve ça super intéressant parce que le mouvement éco-anarchiste au Québec est assez jeune. Les premiers balbutiements ont été faits en 2002-2003, puis on se rend compte aujourd'hui, 10 ans plus tard, que c'est des idées qui ont fait du chemin. Il y a beaucoup de gens qui sont là ici aujourd'hui, puis il y a 10 ans, on n'aurait pas espéré ça. Donc, c'est quand même intéressant, puis ça prouve que les gens sont pas satisfaits de la façon dont les groupes environnementalistes mainstream se comportent, qu'on sent pas qu'il y a un changement qui arrive, puis au contraire, qu'on sent qu'on se fait utiliser. Donc, c'est le fun qu'on pose les vraies questions. Bien, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est écrit sur la bannière qui est en face de nous? L'économie verte est une arnaque. Tuons le capitalisme avant qu'il nous tue. Pourquoi? Ben, ouais, ça a fait de... C'est ça qu'on a discuté longuement de qu'est-ce qu'on allait mettre sur notre gigantesque bannière. Ben, en fait, c'est parce que l'économie verte, c'est un peu une incarnation du développement durable. C'est de croire qu'on peut changer sans rien remettre en question. Finalement, que le capitalisme, ça fonctionne. Il faut juste le changer, le modifier un petit peu. Puis ça, on sait que ça marche pas, là. C'est juste une couche de vernis de plus par-dessus un truc qui est complètement dégueulasse. Puis, en fait, c'est la question du capitalisme là, qui est jamais mentionnée sur le bout des lèvres. À chaque fois qu'on a des discussions en environnement dans le Québec, on arrive au bout à questionner le capitalisme, puis on arrête. Puis on dit non, faut qu'on aille plus loin, faut qu'on adresse la question du capitalisme, absolument. Puis c'est vital. Meilleur exemple de ça, je pense, c'est les discussions autour du plan Nord. On va parler de redevance minière, on va parler de territoire. On se posera pas la question pourquoi on irait développer le plan Nord et à qui ça profite.